À la deuxième trompette, on vit la mer devenir sang. Et voyez, le sang a été répandu. La prophétie de l'Apocalypse. Salut à tous et à toutes et bienvenue à l'écoute d'Apocalypse, l'émission d'actualité métal proposée par Horns Up et également diffusée sur la radio Graphite. Et pour commencer cette émission, on va s'écouter un premier morceau d'un groupe assez légendaire et assez culte qui s'appelle Arcturus. Si je vous prononce ce nom direct, ça va faire tilt dans votre tête. C'est un espèce de super groupe de black metal progressif, avant-gardiste. Voilà, c'est assez compliqué. Donc en fait, dans le line-up, on retrouve plein de monde de la scène norvégienne black metal. Donc entre autres, il y a le claviériste Johnson, il y a Hellhammer, batteur qui a joué dans tous les groupes de black metal norvégiens. Il y a également Vortex qu'on retrouvait chez Dimmu Borgir dans les voix claires et à la base. Bref, plein de bon monde. Et bah, ce groupe a produit 4 ou 5 albums très cultes en fait. Voilà, leur patte et leur son est vraiment unique. Et ils s'étaient séparés il y a quelques années avant de se reformer en 2011 pour faire quelques concerts. Et là, ils ont annoncé tout récemment la sortie d'un nouvel album qui est prévu pour le 8 mars prochain et qui s'intitulera Arcturian. Et ils seront également, excellente nouvelle, en concert en France pour 3 dates, donc le 4 mai à Lyon, le 5 à Rennes et le 10 à Paris. Et donc bah c'est assez génial parce que voilà, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas sorti un album, un paquet de moments, enfin ouais, non, ils étaient passés au Hellfest, donc ils étaient déjà passés en France de concert, mais bon, ils n'avaient jamais fait une tournée comme ils le font là, donc c'est assez génial de savoir ça. Et du coup, le morceau que je vous propose pour illustrer un petit peu ce retour en force, c'est Nightmare Heaven, extrait de l'album The Shame Mirrors, qui était sorti en 2002. Ce que j'aime beaucoup dans ce morceau, donc c'est le début est assez... Bon, black metal avec des voix claires, etc. Donc on est assez loin, pour ceux qui connaissent pas, on est assez loin des canons black metal habituels. Mais là, donc voilà, une sonorité black metal avec des voix claires et avec, en milieu de morceaux, une espèce de rupture qui sonne électro-indus, un peu étrange. Et voilà, donc c'est vraiment ce côté-là, Arcturus, qui emboîte dans des structures assez complexes, tout un tas d'influences pour sortir voilà, quelque chose d'assez avant-gardiste, tout en restant progressif et en gardant cette espèce voilà, de sonorité, de froideur black metal qui est assez caractéristique du groupe. En tout cas, c'est assez génial qu'il soit en concert bientôt et que l'album sorte, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on n'a rien eu de leur part et que bah, chacune de leurs sorties est en pur bijou. Là. Je vous recommande l'intégralité de la discographie d'Arcturus, c'est un groupe vraiment génial. Du coup, tout de suite, c'est Nightmare Heaven, et c'est parti dans Apocalypse. We'll be right back. windows are made in your size. The piece you have hid to hide. The cave walls hide in your mind. Fall asleep and dream now. Your heart is ready to die. Your jaws open wide. Windows are made in your mind. Fall asleep and dream now. Windows are made in your size. The piece you had hid to hide. The cave walls hide. Voilà, un début d'émission pas trop violent, vous inquiétez pas pour la suite, ça va déménager un petit peu plus. À l'instant, c'était Battle of Mice avec le morceau Sleep and Dream, qui était extrait de leur seul et unique album, A Day of Nights. Et alors, qui sont Battle of Mice? Battle of Mice, c'est une espèce de, entre guillemets encore, subgroupe, un peu comme Arcus, mais dans un style déjà complètement différent, et sans le côté vraiment légendaire qu'ils ont eu, parce que Battle of Mice a sorti comme album. Et donc c'est à la base en fait le rapprochement de la chanteuse Julie Christmas, qu'on connaît aussi dans Made Out of Babies, qui est un groupe de post quelque chose assez pas mal, c'est exactement le mot que je cherchais, donc qui est vraiment très bon, et Josh Graham qui a bossé avec Neurosis, avec Red Sparrows, donc voilà, deux personnages de la scène qui ne pouvaient pas se blairer. Pourtant ils ont décidé de faire un groupe ensemble, et donc de cette incompatibilité d'humeur, il en reste qu'ils ont fait qu'un album et deux splits, dont un avec Jésus, Jésus le fils de Dieu. Et donc, mais c'est la compatibilité d'humeur se ressent aussi dans la musique, parce que du coup tout est très fragile. Enfin, vous avez dû le sentir à chaque moment, on sent notamment dans la voix de Julie Christmas une espèce de fragilité, de sensibilité que j'adore. Et c'est excellent. En tout cas, l'album était sorti en 2006, c'est leur seul. Et donc on classe ça dans ce qui s'appelle post-rock, un peu le métal, et c'est assez difficile à classer. En tout cas, j'aime beaucoup. Et pourquoi je vous parle de ce groupe qui n'existe plus, parce qu'ils ont splitté, vu qu'ils pouvaient pas se blairer. Au final, ils se sont rendu compte que c'était peut-être pas le meilleur moyen de s'en sortir que de faire un groupe avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Et bien parce que Julie Christmas va participer à un album qui va sortir bientôt, c'est Parallels de Spyla Capo, pardon, qui sortira le 31 mars prochain. Donc voilà, je suis l'actualité, mais à ma manière, avec des flux contradictoires et éloignés. Et donc ce groupe-là, je connaissais pas en fait Spyla Capo, ce projet-là avec Julie Christmas. Et il y a aussi Greg Puchetto de The Dillinger Escape Pod, c'est un espèce de madcore assez vénère, mais qui alterne avec des moments plus doux, notamment sur leur premier album. Il y a une interlude au piano, mais de bien 4 minutes, assez calme, assez posé. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez ambivalent qui est pas mal. En tout cas, j'essaierai d'écouter l'album Parallels qui va sortir bientôt pour vous en parler un peu plus, parce que ce que j'ai écouté, ça me plaît bien. Et donc, Sleep and Dream, Battle of May, c'était chez Neurot Records, et la transition est toute trouvée pour le groupe suivant, UFO Mammoth. Voilà, espèce de micro-exclusivité, puisque le morceau que je vais vous passer est déjà sorti sur Internet, mais voilà, dans Apocalypse, j'ai eu le droit de vous passer un extrait du prochain UFO Mammoth, et le morceau que j'ai choisi, c'est Temple, donc qui sortira le 30 mars prochain chez Neurot Records, d'où cette transition extrêmement bien placée. Et l'album s'appelle Hecate, et donc, il est bon. Voilà, UFO Mammoth, c'est du doom psychédélique qui vient d'Italie. Et cet album est vraiment excellent. Vous allez entendre le morceau Temple, les grattes sont balèzes, mais c'est vraiment énorme. Et il y a énormément d'effets de synthé, de sons un peu lointains qu'on perçoit pas forcément au premier coup. Mais si on fait attention, en fait, il y a une richesse assez cachée dans l'album qui est vraiment énorme. Également avec donc ce chant assez lointain, tantôt crié, tantôt plus chanté, parlé, je sais pas trop comment définir ça. On retrouve les ingrédients de ce que fait UFO Mammoth, mais de manière un peu plus condensée. Voilà, il reste des morceaux assez longs, celui-là fait 7 minutes, il y en a un ou deux qui approchent des 10 minutes. Mais au total, l'album fait un tout petit peu plus de 45 minutes, donc ce qui est pas si énorme pour ce que font les Italiens d'habitude. Et ils seront en concert à Paris le 19 avril prochain. Je sais pas s'ils passent dans d'autres salles en France. En tout cas, je sais que moi je serai à Paris. C'est un concert que j'attends depuis un moment. Du coup, voilà, tout de suite, c'est Temple de UFO Mammoth, extrait de leur album Hecate. Et ces jours-ci, n'hésitez pas à regarder dans les pages chroniques. Il y aura sans doute une chronique de l'album plus complète que ce que je viens de vous raconter. En tout cas, c'est parti, UFO Mammoth, tout de suite dans Apocalypse. On en parle. S'il y avait un seul groupe que je garderais de tous les groupes de classifiés, on va dire heavy, dans les années 80, fin 70-80, c'est Motorhead. Tous les autres peuvent brûler, mais Motorhead, je les garde et je les vénère complètement. Ce groupe est juste une putain de légende, Lemmy, c'est voilà, son portrait, t'es obligé de respecter sa gueule, voilà, c'est génial. Et du coup, ils vont sortir un 22e album. Enfin, le chiffre est assez monstrueux. J'avais pas réalisé que ça faisait autant d'albums. Bon, tous ne sont pas aussi légendaires que The SL Spade ou les tout premiers, mais il reste quand même dans chaque album des très bons titres. Et celui-là, Kingdom of the Worm, que j'aime beaucoup, avec sa lourdeur assez particulière. Le riff est vraiment mais pesant, quoi. L'effet de la cloche ride, ding, ding, ding, ding, ding, un peu tout du long, donne voilà, une espèce d'oppression. Assez génial, et donc l'album était sorti en 2006, et donc Motorhead est toujours capable de sortir des bons gros titres, ça on le sait, et donc ils vont sortir leur 22e album à la fin de l'année. La production est signée Cameron Wells, et ils seront également en concert au Hellfest évidemment. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, hein. Je vais pas vous faire une présentation de Motorhead, ça ne servirait à rien. On va plutôt passer à notre découverte de la semaine. Et cette semaine, notre découverte, c'est du death metal avec le groupe Creeping Fear, groupe français. Qui, bon, voilà, normalement, la découverte de la semaine, c'est consacré en premier EP ou premier album. Là, ils sortent en deuxième EP, donc voilà, c'est tolérable. Hein, ça reste quelque chose d'assez peu connu, je pense. Personne ne doit avoir enfin peu de monde doit avoir leur EP dans sa CD Tech, donc je vous propose de découvrir ça. Le morceau que je vais vous faire écouter, c'est Death the Brutal Way. Donc leur EP s'appelle World Execution. Et donc c'est du death metal avec des compos intéressantes et assez techniques, sans que ce soit non plus ce qu'on qualifie de death technique, mais ça reste très très bien foutu. Le batteur est vraiment bon, on sent un bon groove tout en ayant une bonne puissance de frappe. Les solis, moi je suis pas très sensible globalement aux solos de guitare, mais là sur cette EP, notamment sur le morceau que je vous propose, ils sont bien travaillés, assez longs, sur plusieurs structures rythmiques. Voilà, c'est pas juste un me balancer comme ça au pif, non, c'est quelque chose qui est vraiment bien foutu. En tout cas, voilà, ce premier EP est intéressant. Si vous voulez l'écouter, il est en téléchargement gratuit sur le Bandcamp du groupe, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, tout de suite, Death the Brutal Way, The Creeping Fear, extrait de leur deuxième EP, donc World Execution, c'est notre découverte de la semaine. C'est parti. No! C'était un petit peu plus de death metal. Après la découverte de la semaine, on passe un petit peu en groupe plus connu, plus renommé. Internationalement, c'était Hate Eternal avec le morceau Behold Judas qui était sorti sur l'album High Monarch qui date de 2005. Et ils ont un nouvel album de prévu chez Season of Mist, malgré les instabilités de line-up dont le groupe est victime depuis le début. Donc il y a plus ou moins que Eric Rutan, le guitariste, qui continue à mener sa barre, qui a donc une flopée de mecs qui sont passés, notamment Derek Crody, qui était un batteur assez exceptionnel, mais qui allait voir ailleurs. Notamment, il est allé passer une audition pour, j'avais vu ça il y a quelques années, pour le remplacer Mark Portnoy chez Dream Theater, et il s'était chié à l'audition, incroyable quoi. Sur la vidéo, il y avait tout un tas de batteurs, je digresse un peu, hein, tout un tas de batteurs qui passaient les différentes auditions, dont celui qui a été sélectionné, je ne me souviens même plus son nom. Et il y avait le passage de Derek Roddy, et putain, il arrivait pas à jouer ce qu'il demandait, quoi. Alors que Derek Roddy, c'est une bonne brutasse là-bas, c'est lui qui joue sur le morceau que vous venez d'entendre. Et le mec, voilà, il a du niveau, quoi. Il a fait aussi des trucs bien bien durs avec Hate Eternal, notamment un morceau instrumental, je me souviens plus le nom, mais où la rythmique est toute mouvante, où, vraiment des trucs bien techniques. Et il arrivait pas du tout à faire ce que demandait Dream Theater, c'est que ça doit vraiment être assez infernal à jouer. Donc voilà, petite digression terminée. Nouvel album prévu d'Hate Eternal, on attend la suite parce que ça fait quand même, le pauvre Eric Rutan galère tellement avec ses line-up, enfin bref, ça n'a pas l'air facile de mener à bien son projet. En tout cas, on lui souhaite bon courage et une petite envie de poser une oreille là-dessus, moi ça me démange. On enchaîne avec un groupe qui a pas d'actualité, mais voilà, j'ai pas eu le temps d'écouter toutes les sorties qui ont eu cette semaine. Il y a le Melechesh, le Enslaved, tout ça que j'aimerais écouter et vous faire partager, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y plonger plus. Du coup, la fin de playlist sera orientée sur des groupes que j'aime bien et que je voudrais vous faire découvrir, même s'ils n'ont pas d'actualité précise. Et donc là, c'est Humatronic avec l'album Structures et le morceau Styx. C'est de l'Indus qui nous vient de Belgique et c'est plutôt bien foutu. Donc c'était leur premier album, je crois, qui était sorti en 2011. Le son est bien foutu, les riffs sont bons. Là, ce morceau est assez lent, avec plusieurs ambiances, on passe d'un moment à l'autre, il y a une montée en puissance, on sent que ça va exploser, puis au final, fou, ça s'arrête, et donc ça laisse un sentiment de frustration assez perturbant, mais en même temps assez agréable à vivre. Du coup, j'aime bien ce morceau pour ça, et le structure de l'album en entier est vraiment excellent. Tout en temps, on se prend des bonnes tournioles, à des moments c'est plus calme, travailler sur les ambiances et sur les textures. En tout cas, voilà, très très bon album, je vous le recommande. Je sais pas du tout s'il est trouvable sur de manière gratuite et légale, mais il s'écoute assez bien. Et ben voilà, c'est parti et c'est tout de suite. Thank you.

Votre cerveau est toujours là, tout va bien. Vous avez traversé quelque chose de peut-être un peu perturbant si vous ne connaissiez pas le groupe Sleepy Time Gorilla Museum avec le morceau Sleepy Wrong, extrait de leur premier album Grand Opening and Closing. Alors, Sleepy Time Gorilla Museum, c'est un groupe qui n'existe plus, donc voilà, j'avais aucune chance de vous parler d'eux dans l'actualité, donc il fallait que je le fasse parce que c'est un groupe génial. Et c'est alors, voilà, donc vous avez compris que c'est quelque chose de très très particulier au niveau des structures, c'est nawak, au niveau des rythmiques, on est complètement perdu. Au niveau des sons qu'on entend, on ne sait pas ce que c'est parce que les types ont créé leurs propres instruments, donc voilà, c'est assez des fous furieux quand même. Et putain, ils sont chez Père, mais mon dieu, ils sont chez Père, c'est incroyable. J'ai vu, malheureusement, ils sont jamais venus faire de concert en Europe, mais j'ai chopé, vu quelques performances qu'ils avaient fait sur internet, aux États-Unis, je les ai vus sur internet. Et putain, en concert, mais ça avait l'air tellement étrange et tellement barré, quoi. J'aurais rêvé de les voir, mais ça ne sera malheureusement jamais le cas. Et donc voilà, ils ont cette espèce de don pour faire des morceaux déjà assez tordus, tout ça, mais surtout, putain, au cœur des morceaux, des passages, la fin, là, c'est pas complètement hypnotique. Oudada, ou je sais pas ce qu'ils racontent. Mais voilà, moi j'adore ce groupe, ce côté complètement barré, complètement. Avant-gardiste, expérimental, on sait pas où on va, on sait pas trop ce qu'ils font, mais c'est assez génial. En tout cas, je vous recommande l'écoute de l'album en entier, enfin, de cet album-là, Grand Opening and Closing, et des deux autres. C'est absolument magistral, super bien réalisé, avec voilà, des idées à foison. Mais si vous êtes pas trop habitué aux choses assez expérimentales, qui sortent des canons, voilà, c'est... Allez-y doucement, c'est de la bonne, comme on dit. Et du coup, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc, il y aura sans doute un petit peu plus de choses vraiment en lien avec l'actualité. Là, cette semaine, j'ai pas eu le temps d'écouter tout ce que j'aurais voulu écouter. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, écoutez du bon son. Et bonne semaine à tous. Salut !